L'évolution de la structure socio-professionnelle ne s'arrête pas à la salarisation et à la tertiarisation. Il y a aussi la féminisation de l'emploi. J'ai vu des portes s'ouvrir, pas toujours en grand, parfois juste entr'ouvertes, mais suffisamment pour que quelque chose passe. Pendant longtemps, les femmes travaillaient, bien sûr, elles ont toujours travaillé, dans les champs, dans les ateliers familiaux, à la maison. Leur travail faisait tourner la société, mais ils ne faisaient pas carrière. Ils restaient discontinus, subordonnés au mariage, souvent invisibles dans les statistiques. On ne le comptait pas vraiment. Comme si ce qui n'était pas fait par des hommes ne produisait pas tout à fait de la valeur. Puis à partir des années 1960, quelque chose change. Un mouvement lent, profond, irréversible. J'ai connu Monique. Monique avait quitté son emploi en se mariant. C'était normal, disait-on. Son salaire était un complément, son travail provisoire. Des années plus tard, j'ai connu sa fille, Sophie. Sophie, elle, travaille. Et elle continue. Elle a fait des études, elle a un métier, un salaire à elle. Pas en attendant, pas en plus. La féminisation de l'emploi, c'est cela. Le moment où le travail des femmes cesse d'être secondaire. Aujourd'hui, les femmes représentent près de la moitié de la population active. Leur emploi n'est plus une parenthèse entre deux événements familiaux. Ils structurent les trajectoires, les choix, les vies. Le travail féminin devient une composante centrale de l'organisation économique et sociale. Il transforme la structure de l'emploi, mais aussi les modèles familiaux, les carrières professionnelles et les rapports de genre. Les couples se recomposent, les décisions ne reposent plus sur un seul revenu. L'autonomie économique cesse d'être un idéal abstrait. Elle devient une expérience vécue. Le travail féminin n'ajoute pas seulement des emplois, il redistribue le pouvoir. Et ça, ce sera important. Pourquoi l'emploi s'est féminisé? D'abord parce que l'économie change. La tertiarisation crée de nouveaux emplois dans les services, l'éducation, la santé, l'administration, le commerce, des secteurs dans lesquels les femmes sont massivement recrutées. Des emplois plus compatibles avec la généralisation du salariat féminin. Ensuite, parce que l'école change. Les femmes y réussissent aujourd'hui en moyenne mieux que les hommes. Elles obtiennent davantage de diplômes, elles investissent les études longues. Cela facilite leur insertion sur le marché du travail et leur accès à l'emploi qualifié. Enfin, parce que les normes sociales se transforment. Le modèle de la femme au foyer recule. Les divorces augmentent. Le besoin d'autonomie économique devient central. Travailler n'est plus un choix moral. C'est une condition de sécurité, mais aussi de dignité et parfois de survie. Et puis, il y a eu les luttes féministes. Les combats politiques, les évolutions juridiques, des interdictions ont sauté, des droits ont été conquis, rien n'est tombé du ciel. Tout a été arraché. La féminisation de l'emploi est donc à la fois économique, sociale, culturelle et politique.